Et si la médecine de demain commençait aujourd'hui? Et si au traitement générique appliqué à toutes et tous, sans distinction, on substituait des traitements spécifiques, individualisés, qui ciblent exactement les cellules touchées, malades ou cancéreuses, et aucune autre? Ce futur se conjugue déjà au présent. Bienvenue dans l'ère de la médecine de précision. Une médecine qui ne remplace pas la médecine traditionnelle, mais qui promet une véritable bascule pour la prise en charge des pathologies résistantes, et également de se généraliser dans les prochaines années à de nombreuses et diverses affections en dehors du strict champ de l'oncologie. Médecine de précision en plein dans le mille, c'est le programme spécifique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ce futur de la médecine qui se déploie en ce moment même, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Céline Valo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'Institut Curie et Soumeya Bekri, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur chef de service du laboratoire de biochimie métabolique du CHU de Rouen. Mais on commence par celle qui délivre chaque jour l'actualité scientifique avec une infinie précision. C'est Natacha Trioux pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et selon une étude parue dans la revue Nature Geoscience, nous avons surestimé la quantité de glace de nos glaciers. Oui, cette étude présente un nouvel atlas des réserves de glace disponibles dans le monde. Cette équipe internationale a recalculé les vitesses d'écoulement sur tous les glaciers de la planète, excepté l'Antarctique et le Groenland, avec une résolution qui est 2 à 3 fois meilleure de ce qu'on avait jusqu'à présent. Il y a encore des incertitudes, mais c'est à ce jour la meilleure estimation. Les chercheurs ont travaillé avec plus de 800 000 images satellitaires entre 2017 et 2018, ce qui leur a permis de recalculer l'épaisseur de ces glaciers. Alors, il y a quelques jours, on apprenait que les glaciers de l'Himalaya fondaient, plus vite qu'on ne le pensait. Ici, on découvre qu'il y a 20% de glace en moins que précédemment estimé. Et ce ne sera pas sans conséquence pour les ressources en eau potable. Catherine Ritz est glaciologue et directrice de recherche CNRS à l'Institut de géosciences de l'environnement de Grenoble. C'est un énorme travail. Ils ont analysé des milliers d'images satellites pour mesurer les vitesses, parce que pour mesurer les vitesses, ils prennent 2 images du même glacier avec un certain temps entre les deux. Et ils regardent comment les champs de crevasses ont avancé et c'est la convergence de 4 outils séparés, c'est-à-dire l'analyse des vitesses, la modélisation, l'analyse de la topographie en surface, parce que ça aussi, ça vient de données satellites, et ce qui tombe sur les glaciers comme neige. Donc en fait, c'est le fait que c'est 4 aspects du même problème et où ils se sont mis ensemble pour le faire qui sont vraiment intéressants. Et c'est un énorme travail. J'étais bluffée quand j'ai vu ça. Il faut savoir que les glaciers, en général, on voit que la surface, donc c'est assez difficile de savoir combien il y a de glace exactement. Et là, en utilisant les vitesses, la topographie de la surface qui se mesure aussi par satellite et de la modélisation, ils ont recalculé quelles pouvaient être les épaisseurs de tous les glaciers du monde. Et globalement, il y a plutôt moins de glace que les estimations précédentes, mais ça dépend beaucoup des régions. Il y a plutôt plus de glace que les estimations précédentes en Himalaya et moins de glace en Amérique du Sud, par exemple. Dans l'ensemble, on surestime, ce qui fait que en termes de qu'est-ce qui va se passer dans le cadre du changement climatique où il y a un fort risque que la majorité des glaciers fondent, ça veut dire que c'est moins d'eau qui va contribuer à la montée du niveau des mers. Mais ça a aussi des implications très importantes pour certaines régions parce que c'est la ressource en eau de certaines régions et donc il y a moins d'eau pour la ressource en eau, par exemple en Amérique du Sud. Une de leurs conclusions, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de mesures de terrain pour raffiner, parce que justement c'est dans les endroits où les ressources en eau sont cruciales pour les populations qu'il n'y a pas beaucoup de données non plus. Donc en fait, il y a vraiment un appel à faire plus de mesures de terrain et à les partager à la communauté internationale. Voilà, et si vous voulez tout comprendre à propos de ces glaces de glaciers de montagne, vous pouvez vous diriger vers l'étude publiée dans Nature Geoscience. Nous vous avons publié, comme chaque jour, le lien sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Le premier One Ocean Summit, le sommet Un Océan, ouvre ses portes aujourd'hui. Et jusqu'à vendredi, la ville de Brest accueille ce sommet international. L'événement réunit des scientifiques, des juristes, mais aussi une vingtaine de chefs d'État. L'enjeu est d'identifier des actions concrètes pour protéger les océans et leur biodiversité, qui restent les grands oubliés des négociations climatiques. Ces trois journées de forums et d'ateliers seront retransmises en direct sur Internet le 11 février. On attend des engagements signés par 35 pays. DeepMind, la firme de Google, a créé une intelligence artificielle capable de coder aussi bien qu'un programmateur. DeepMind, c'est cette équipe qui avait créé AlphaGo, l'intelligence artificielle qui a remporté un tournoi au jeu de Go. Les chercheurs viennent de créer AlphaCode, une IA pour la programmation informatique qui maîtrise des langues comme C++ ou Python. Alors, l'IA a été testée et évaluée lors de CodeForce, la compétition de codage rapide qui réunit les meilleurs programmateurs humains. AlphaCode s'est hissé dans le classement parmi les 50 premiers sur les 5000 participants. Pour une première tentative par un modèle d'apprentissage automatique, c'est prometteur. Selon DeepMind, cette IA pourrait aider les programmateurs à générer du code pour des tâches simples ou pour améliorer leur productivité. Une étude parue dans la revue Biology of Reproduction décrit un nouveau moyen contraceptif. Et une équipe américaine a conçu un gel qui n'est pas un spermicide, mais qui piège les spermatozoïdes. Le principe de ce contraceptif, c'est de bloquer le processus de liquéfaction du sperme. On sait qu'un sperme très visqueux et qui ne devient pas liquide, c'est ce qui réduit la motilité des spermatozoïdes, ce qui contribue d'ailleurs à des troubles de la fertilité masculine. Peu de temps après une éjaculation, l'éjaculat passe à un état liquide grâce à une enzyme, l'antigène prostatique spécifique, et c'est cette enzyme que les chercheurs ont ciblée et inhibée. Alors pour le moment, ce ne sont que des tests in vitro, on est encore loin d'une fabrication industrielle, mais c'est une preuve de concept. Merci Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Est-ce la fin de la médecine à l'ancienne où les patients prennent à peu près tous le même médicament pour soigner une affection qui porte un nom générique, comme par exemple cancer, mais dont on sait que chacune est spécifique et varie en fonction d'une grande quantité de paramètres comme le sexe, l'âge, la génétique, l'environnement, et j'en passe. Cette médecine du même traitement pour tout le monde est-elle en train d'arriver à son terme ? D'une certaine façon, oui. La médecine de demain, qui est déjà en cours depuis quelques années, est une médecine de précision, c'est-à-dire une médecine qui s'adapte, qui évolue, qui analyse et qui sélectionne le traitement en fonction des paramètres individuels du malade et de sa maladie. Pour autant, cette médecine ultra-individualisée n'est pas encore la norme pour tout le monde et ne le sera certainement pas avant plusieurs années et pour tout un tas de raisons. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut dire que d'un point de vue strictement scientifique, elle est très séduisante cette médecine et elle a vraiment un petit air de médecine du futur. Écoutez, on se croirait presque dans un film de science-fiction. Pour guérir plus de cancers, il faut intervenir tôt, avant que la maladie ne soit trop complexe. On estime que 30% des cancers pourraient être diagnostiqués à un stade précoce et que 50% des rechutes doivent pouvoir être évitées. Pour cela, il nous faut arriver à prédire la gravité du cancer dès le début de la maladie, la résistance au traitement et comprendre les mécanismes moléculaires qui font progresser le cancer pour chaque patient. C'est ce qu'on appelle la médecine de précision de deuxième génération. En 2019, Gustave Roussy a créé PRISM, le seul centre national de médecine de précision contre le cancer en France. Notre objectif est de créer un avatar de cancer pour chacun des patients. Cet avatar va réunir les paramètres biologiques du patient, mais également de sa tumeur. Il s'agit d'ici 10 ans de modéliser le cancer de chaque patient pour identifier le plus précocement le traitement qui sera le plus approprié pour chaque patient, et ceci très tôt dans le cadre de sa maladie. Ce projet vise à proposer dès le diagnostic des traitements innovants à des patients dépistés précocement comme ayant un mauvais pronostic. Accéder à l'innovation pour des cancers graves quand la guérison est encore possible. Voilà, vous venez d'entendre une vidéo pour le programme PRISM de l'Institut Gustave Roussy qui revendique d'ores et déjà une médecine de précision de deuxième génération. Alors peut-être qu'on va d'abord parler de la première, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a des petits airs de médecine du futur dans ce type d'annonces ou de vidéos qui sont un peu des vidéos de promotion, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, tout à fait. Donc ce qui est intéressant, c'est l'évolution de cette médecine de précision. On parlait il y a quelques années de médecine de précision par la génomique, la caractérisation fine des tumeurs. Et aujourd'hui, la deuxième génération, c'est d'aller encore plus loin dans notre compréhension de ces tumeurs, par exemple, et notamment la médecine presque cellulaire, quoi. On est capable d'aller identifier dans un échantillon complexe quelle va être la nature de chacun des constituants, et puis surtout les suivre au cours du temps, leur capacité à répondre au traitement. Et ça va être vraiment ça, c'est ce niveau cellulaire de compréhension. compréhension. Donc c'est rajouter un niveau de granularité supplémentaire à cette médecine qui était déjà au niveau de la précision déjà très pointue. Soumaya Bekri, votre réaction sur cette, parce qu'on entend beaucoup parler, ou dans la presse généraliste on voit des grands titres médecine du futur, de facto c'est déjà le présent, cette médecine de précision elle est en train d'évoluer, elle est en train d'être précisée par la recherche, mais on n'a pas encore au stade du tout de la généralisation à tous les patients et à toutes les patientes. Je dirais oui et non. En fait, la médecine de précision, c'est un concept selon lequel la prise en charge du patient tient compte des variations individuelles en matière de clinique, de biologie et de l'environnement. Donc, pris comme ça, je vous donne des exemples simples. Il y a des choses que l'on fait déjà dans ce cadre-là, depuis très longtemps même, la transfusion. On ne transfuse pas un sang au hasard. Le porteur doit correspondre, le donneur doit correspondre au transfusé. Donc on a déjà une sélection qui se fait et une action précise. On prend par exemple l'antibiogramme. L'antibiogramme, on va regarder par rapport à un germe d'un patient donné, l'antibiotique pour lequel il y a une sensibilité, on va lui donner cet antibiotique et pas un autre. Donc il y a certains aspects qui sont déjà installés dans nos pratiques, mais il faut aller plus loin et profiter des avancées technologiques, qu'elles soient analytiques. On a la possibilité actuellement de doser plusieurs, des centaines, voire des milliers de biomolécules à partir de volumes de fluides très très faibles. Sur quelques microlitres, on peut doser jusqu'à 10 000 composés. Et donc, on a cette avalanche d'informations, que ça soit sur le plan analytique, là on a parlé de génomique, mais toutes les explorations de tous les supports de l'information, l'ADN, l'ARN, les protéines, enfin tous les composants cellulaires, maintenant on est capable d'aller dans une granularité de la connaissance qui était non atteinte jusqu'à présent. Et à côté de ça, on a l'outil informatique, parce que toutes ces explorations vont générer des données massives, et toute la difficulté aujourd'hui, c'est de faire parler ces données médicales de façon intelligible, cliniquement pertinente, de façon sécurisée et éthiquement responsable. Donc vous voyez un peu, en quelques mots, toutes les éléments, les enjeux qu'on doit discuter. Depuis combien de temps concrètement est-ce qu'on bascule? Alors, on va préciser évidemment dans un instant ce qu'est exactement cette médecine de précision, mais justement vers quelque chose de plus en plus fin dans l'adaptation du traitement au patient et à l'affection qui est la sienne. Je pense que ce qui est un point qui vient d'être mentionné, qui est très important, c'est l'aspect technologique. C'est-à-dire que, en fait, les avancées technologiques accompagnent, poussent un petit peu cette quantité de mesures toujours plus loin. Donc, je dirais que chaque couple d'années, il y a des nouvelles technologies. Un exemple très précis, donc j'ai commencé à parler, c'est vraiment l'appréciation cellulaire. C'est grâce à des technologies en cellule unique qu'on est capable, depuis 4-5 ans, d'aller décortiquer ces tumeurs. Et c'est un petit peu un vrai problème, c'est à quel point on peut intégrer ça dans la parcours vraiment de soins, et où l'analyse déjà des échantillons. Donc il y a vraiment cet aspect technologique qui va limite plus vite, en fait, finalement, que ce qu'on est capable d'appréhender humainement, ça c'est sûr, et ce qu'on est capable d'intégrer dans la pratique qui est déjà quand même très efficace. Votre sentiment à ce propos, Soumaya Bekri ? Je pense que réellement, là, on a le cancer qui est très avancé. Là, on est en train de parler de recherche. Oui. Mais ces technologies sont applicables. C'est la médecine d'aujourd'hui. Mmh. C'est exactement ce que l'on fait, simplement augmenté par l'apport de ces technologies. Et donc, c'est dommage de ne pas prendre en compte ces technologies et de rester avec nos pratiques actuelles. Mais dans beaucoup de domaines, on peut déjà appliquer. C'est pour ça que je voudrais vraiment que cette idée de futuriste puisse se dissiper. Mmh. Et je pense que l'importance de l'analyse des données est clé, quoi. J'aimerais bien revenir là-dessus. C'est notre capacité à organiser, nettoyer l'information pour en retenir que celle de qualité. Et ensuite, la capacité analytique, c'est comment je dégage dans une masse d'informations une petite aiguille qui va me dire, ah oui, là, attention, cet échantillon a cette caractéristique qui le distingue d'un point de vue de comportement, réponse à un traitement, par exemple. Et là, c'est vraiment aujourd'hui que se joue un petit peu le nerf de la guerre. C'est que finalement, les biologistes, on change un petit peu de métier. Très sincèrement, il y a maintenant une nécessité d'avoir des biologistes dits computationnels, c'est-à-dire qu'ils sont capables de coder dans les laboratoires, qui est massive. Et dans les hôpitaux, c'est la même chose. Voilà, je reprends exactement, dans les hôpitaux, c'est la même chose. Et là, il doit y avoir des nouveaux métiers qui doivent voir le jour et de nouvelles compétences. Et on a besoin de personnel hybride qui comprennent la question scientifiques et qui peuvent coder. C'est-à-dire des gens qui soient à cheval entre le big data, l'intelligence artificielle, le traitement des mégadonnées et en même temps l'application clinique de ces informations-là. Exactement. Et même si on aura besoin d'informaticiens purs dans nos services cliniques. Il faut des gens qui sont capables de donner la main entre ces informaticiens purs et les médecins et les biologistes. Et donc, enfin, un exemple concret, c'est essayer d'aujourd'hui attirer dans nos labos, dans nos hôpitaux, des ingénieurs. En France, on en a beaucoup de très bonne qualité, enfin, qui viennent chez nous, quoi. C'est un appel franc et... Alors, s'il y a des ingénieurs qui nous écoutent, j'espère qu'à l'issue de cette émission, vous serez passionnés par la médecine de précision. On va vous expliquer évidemment de quoi il retourne, comment on travaille, quels sont les progrès que ça apporte, évidemment, in fine, pour la santé des patients. C'est le thème de notre émission du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Il y a 4h15, nous parlons donc de médecine de précision en compagnie de Céline Vallot et de Soumeya Bekri. Alors, on dit médecine de précision, ici à ce micro, on a parlé de médecine personnalisée. Quand on se projette, on a ce fantasme d'une médecine, encore une fois, qui est totalement individualisée, où moi, Nicolas Martin, je prends un traitement qui est fonction de ma santé, de qui je suis, de mon code génétique, également de la nature de ma maladie. On n'est pas encore exactement là, mais c'est petit à petit ce vers quoi on s'avance. Comment est-ce qu'on la définit exactement? Exactement, Soumeya Bekri, cette médecine de précision. Je pense que là, de façon unanime, il y a une définition qui, je pense, recueille le consensus. C'est la médecine de précision repose sur 4 piliers. Donc, on va parler de médecine personnalisée, parce que, comme vous venez de le dire, c'est axé sur un individu donné, mais pas que son environnement doit compter. Donc l'ensemble des éléments, que ça soit son individualité ou l'impact de l'environnement, doit être pris en compte. Le deuxième pilier, c'est le fait que ça soit une médecine préventive. La médecine de précision se veut être une médecine de bien-être, de mieux-être. Et d'ailleurs, il y a des grandes études au niveau international, notamment au niveau de la Suède, il y a une grande étude qui s'appelle la Wellness Study. C'est, ils ont recruté plusieurs, une grande cohorte de patients dit en bonne santé apparente, pour engranger toutes ces données de grand volume, faire de la génétique, toutes les omiques, la génomique, avec toutes les explorations possibles, imaginables sur une transcriptomique, protéomique, métabolomique. C'est-à-dire l'étude de différents niveaux de biologie. Différents niveaux des supports, voilà, de l'information biologique, plus IRM corps entier, plus un ensemble de toutes les explorations, les smartwatches pendant plusieurs années, et faire un suivi longitudinal pour avoir déjà une idée, une stratification de ce que l'on dit être en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc ça va permettre derrière de stratifier les patients qui sont dits enfin qui ont un problème de santé. Et toute cette stratification va nous permettre la prévention. Donc ça, c'est le troisième pilier, c'est la prévention. Et puis deuxième, personnalisation, prévention. Le troisième, c'est prédiction. Voilà. Prédiction, là, c'est une médecine prédictive, parce que avec les éléments et avec l'exploitation de données, comme disait Céline, on va pouvoir prédire des trajectoires de patients et on va savoir quels sont les facteurs qui peuvent influer cette trajectoire. Donc c'est l'information, elle est de très très grand volume. Comment tirer l'information qui va être utilisable cliniquement et qui va nous permettre de faire cette trajectoire. Et puis, donc, j'en arrive au quatrième, c'est participatif. Et là, on va parler de la place du patient. Et le patient, dans notre civilisation, à partir du 19e siècle, le mot patient déjà est apparu. Le patient, c'est celui qui souffre, qui patiente. Et il y a eu un rapport très vertical entre le soignant, qui est le médecin, ou le soignant, quel qu'il soit, et le patient, et une relation très verticale. Et en fait, à la fin du 20e siècle et au début du 21e siècle, on a eu une évolution et on a une responsabilisation du patient et une participation dans sa prise en charge. Depuis l'épidémie de VIH, notamment avec les patients experts. Avec les associations patients, et on a montré que personne ne connaît sa pathologie mieux que le patient. Et ça m'a amené à retrouver sur le plan historique une citation, enfin il y en a plusieurs, mais d'Hippocrate, donc 4 siècles avant Jésus-Christ, je me permets de la lire rapidement. Donc la vie est courte, l'art est long, l'occasion est prompte à s'échapper, l'empirisme est dangereux, le raisonnement est difficile. Il faut non seulement faire soi-même ce qui convient, mais encore être secondé par le malade, par ceux qui l'assistent et par les choses extérieures. Donc là, on va retrouver le malade. Donc il faut accompagner le malade, c'est lui qui va être acteur de sa maladie. Ceux qui l'assistent, donc les aidants, ça aussi une place qu'on a négligée jusqu'à présent, et l'environnement. Un mot peut-être, Céline Vallaud, sur ces quatre piliers de la médecine de précision: personnalisation, prévention, prédiction et participation. Ouais, je pense que j'en rajouterais un, ce serait la recherche, quoi. C'est-à-dire de nouvelles, cette médecine de précision, finalement, elle va alimenter, grâce à ces jeux de données, notre capacité à découvrir de nouvelles cibles et thérapeutiques potentielles. Donc, c'est-à-dire qu'on participe activement, en contribuant à ces piliers, à vraiment la recherche de demain, quoi. Donc, c'est pas seulement la médecine, c'est la médecine encore de demain également, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe, puisqu'il y a, donc, on l'a entendu et vous allez nous le repréciser, beaucoup aujourd'hui de capacités, grâce à toutes les omics, à récupérer énormément de données sur une pathologie et sur un patient en particulier. Donc, il y a beaucoup d'aide des mégadonnées, des big data qui sont analysées et qui vont permettre justement de cibler. Mais en général, quand on dit intelligence artificielle, big data, les gens imaginent froideur, distance, robotisation, alors que finalement c'est le sens inverse de celui de la médecine de précision, Céline Vallaud. Je pense à une clarification peut-être à donner, c'est que l'intelligence artificielle, d'un point de vue médical, elle a beaucoup été mise en avant pour la partie imagerie. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est dédié pour apprendre à reconnaître des images et aider les pathologistes à reconnaître des situations anormales. Avec des degrés de précision qui sont supérieurs sans parfois à l'œil humain. Voilà. Ou en tout cas de manière assez robuste. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, donc tout ce qui est les marqueurs, toute la partie génomique et haute marqueur possible sur tout système biologique complexe, on est en train de donner dans un monde où il va falloir utiliser l'intelligence artificielle, non pas seulement pour prédire et deviner une image, mais d'aller découvrir de nouveaux types d'associations entre des données ou certains paramètres. Et donc là, ça va être une utilisation un petit peu différente, sans vraiment d'apprentissage, parce que chaque personne est différente. Donc ça va être un petit peu différent de ce qu'on fait sur l'image. Donc on est en train, nous, de réfléchir notamment avec des gens en intelligence artificielle pour adapter leurs algorithmes à la complexité et l'hétérogénéité de ces marqueurs qui ont un apprentissage très limité vu les données qu'on possède. Mais il y a écrit. L'intelligence artificielle à l'hôpital peut faire peur à certaines, oui, bien sûr, certaines personnes. Et je pense que c'est contre-intuitif, mais c'est important de souligner que l'intelligence artificielle va humaniser la médecine. C'est-à-dire qu'il y a des tâches répétitives qui vont pouvoir être prises en charge et ça va pouvoir dégager du temps pour des relations avec les patients. Je pense que ça, c'est vraiment un message à faire passer. Et aussi rendre intelligible, c'est-à-dire quelque part pré-mâcher un petit peu le travail pour rendre intelligible à des humains la quantité de données sous lequel on est juste assommé. Alors si on en vient concrètement à ce que réalise dans un certain nombre de domaines la médecine de précision, on en parle, c'est vrai, surtout à propos de cancer et d'oncologie, mais on pourra développer un peu plus tard dans l'émission. Il faut donc peut-être dans un premier temps rappeler que la médecine de précision, ça n'est pas immédiatement pour tout le monde, c'est avant tout pour traiter des cancers résistants. On peut rappeler qu'on a déjà fait beaucoup de progrès en oncologie et qu'aujourd'hui, on soigne peu ou prou, ou enfin un patient touché d'un cancer sur deux est en rémission à 5 ans. Donc on a déjà beaucoup progressé de ce côté-là, mais il reste tout de même un patient sur deux qui ont des cancers dits résistants au traitement habituel. Et c'est là que peut intervenir la médecine de précision. Je vous laisse nous raconter comment, Céline Vallaud. Donc, à l'Institut Curie, je pense que la médecine de précision, au-delà de ce qu'on a déjà dit sur l'aiguillage des patients, quand même un petit peu sur des traitements spécifiques, aujourd'hui on l'envisage en deuxième génération pour comprendre les mécanismes d'évolution tumorale, c'est-à-dire comprendre comment certaines tumeurs, de manière complètement non justifiée, vont échapper à un traitement par exemple. Et donc c'est plutôt restreint soit à des études rétrospectives, c'est-à-dire regarder avec recul sur certaines cohortes de patients qu'est-ce qui s'est passé, donc est-ce qu'on peut expliquer déjà, et ou, d'une manière un peu plus active, dans des essais cliniques, on a accès très rapidement aux échantillons dans un cadre tout à fait dédié. Et donc, dans ces cas-là, nous, ce qu'on essaye de faire, par exemple, avec beaucoup de laboratoires de l'Institut Curie, c'est de les étudier très rapidement sous toutes les coutures pour proposer s'il n'y aurait pas une population de cellules avec certaines caractéristiques. Donc, comme le disait Soumya tout à l'heure, ça peut être au niveau génomique, ça peut être au niveau transcriptomique, ça peut être même au niveau épigénomique, c'est-à-dire les modifications chimiques de l'ADN. Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie l'émergence d'une population qui aurait pu résister au traitement, par exemple ? Une population de cellules, là, on parle. Population de cellules, bien entendu. Ouais. Et d'identifier la carte d'identité de ces cellules pour proposer, par exemple, les traitements en combinatoire. Dire, la chimiothérapie, c'est très efficace, mais si je l'associe à un traitement qui peut cibler ces cellules qui ont acquis cette carte d'identité un petit peu particulière, est-ce que j'augmenterai pas l'efficacité du traitement dès le départ ? Soumaya Bekri, votre définition à vous, justement, en oncologie, c'est-à-dire que, Céline Vallaud vient de le dire, les cancers, c'est évidemment une maladie, on parle du cancer, mais ce sont des cancers, même deux cancers du sein ne sont pas les mêmes suivant la personne qui l'a. Donc, l'idée de la médecine de précision, c'est qu'on va justement essayer d'aller chercher la particularité de chaque cancer, de chaque tumeur précisément. Hein, c'est ce que Céline Vallot appelait tout à l'heure la technologie One Cell, c'est-à-dire la single cell technologie, la cellule unique. Expliquez-nous un peu concrètement ce que vous allez chercher et quelles informations vous allez trouver grâce à cette médecine et à ce faisceau de médecine de précision. Donc en fait, on a différents outils, comme on vient de l'expliciter. On a différents outils qui nous permettent d'analyser, d'explorer la tumeur ou la cellule, quelle qu'elle soit, sous différentes formes. Et donc, on va essayer de tirer une information. Par exemple, il y a un exemple assez édifiant sur l'utilisation de l'iKnife. L'iKnife, c'est les bistouris intelligents. Donc, ça a été mis en place à Imperial College of London. Et le but, c'est d'avoir un bistouri qui a une tubulure qui permet d'aspirer des vapeurs de la tumeur, donc en temps réel, pendant l'intervention, et qui permet, pendant la résection d'une tumeur, étant donné qu'on a déjà caractérisé la tumeur, on peut dire à la machine, ici, c'est un profil de tumeur, ici, c'est un profil de tissu sain, et ça va guider le chirurgien pendant l'intervention pour faire sa résection. Et ça va, c'est un exemple qui permet de montrer que, en connaissant le profil exact de cette tumeur-là, je vais pouvoir raccourcir le temps de l'intervention. Parce que jusqu'à présent, lorsqu'on l'on fait une résection, je vais être dans du tissu que je pense être sain, je vais faire une biopsie, je l'envoie au laboratoire, elle va être analysée, pendant ce temps-là on attend, je reviens, ah il y a encore des cellules tumorales, je vais changer la marge et ainsi de suite. Donc là, je modifie totalement. Donc connaître les caractéristiques intimes de chaque cas va nous permettre une prise en charge quelle qu'elle soit. Là, je vous donne un exemple de chirurgie pour montrer que, en fait, c'est vraiment des applications au-delà de le traitement spécifique. On peut avoir des applications au niveau chirurgical dans toute la prise en charge du patient. Céline Vallot. Oui, juste un point que je trouve particulièrement pertinent, c'est le notion de temps. Je pense que là, dans les années à venir, vu qu'on a cette avalanche de marqueurs, il va falloir assez bien trier de manière pragmatique qu'est-ce qui, de toute façon, dans un temps entre l'aller-retour de le patient, les chercheurs, les médecins, est-ce que c'est raisonnable de penser que dans les années à venir, on aura un aller-retour assez rapide pour soit guider un geste chirurgical, par exemple, et ou guider un traitement? Et je pense qu'il va falloir être assez stringent sur dire non, ça ne sera jamais possible, donc arrêtons de rêver que l'aller-retour sera assez rapide. Et c'est vraiment cette notion de temps, je pense, qui doit nous guider. Assez rapide par rapport à ce que Christian a écrit, c'est de dire pendant l'intervention elle-même, d'avoir de l'analyse transcriptomique immédiate pour dire, ah là, c'est exactement pas la bonne cellule, etc. Pour le moment, c'est de la SF. C'est l'échelle de temps. Parfois, ouais, ça l'est pas, et ce sont des exemples très pratiques. Ouais. Non, mais sur certaines mesures, on sent que l'échelle de temps n'est pas encore en rendez-vous. Est-ce qu'on va être capable Il y a des choses en maturité. On voit bien. Exactement. Mais on voit qu'il y a un champ des possibles qui est extraordinaire. Ouais, mais je vous propose, pour que tout ça soit effectivement bien concret, qu'on aille justement à l'Institut Curie. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas. Vous y êtes rendu pour voir l'avancement du tout premier essai clinique de médecine de précision en oncologie. Un essai clinique lancé en 2015, l'essai Shiva 01. Et oui, cet essai Shiva 01, lancé en 2012, il me semble, été piloté par Christophe Letourneau, qui est oncologue et chef du département d'essais cliniques précoces. Alors, dans cette unité d'investigation, les patients inscrits aux essais participent activement aux tests de nouveaux médicaments. Ces traitements à l'essai sont mis au point à partir de biopsies de leur tumeur. Leur ADN tumoral est séquencé puis analysé. Et après traitement par intelligence artificielle, on peut alors en dresser le portrait moléculaire, ce qui permet de personnaliser la thérapie, c'est-à-dire de la cibler spécifiquement aux caractéristiques du cancer. Alors ici, vous êtes à l'unité d'investigation clinique où sont traités tous les patients avec des nouveaux médicaments dans le cadre d'essais cliniques. Donc nous avons 6 lits et 8 fauteuils, et donc des patients qui viennent, 20 à 30 patients qui viennent tous les jours pour recevoir leur traitement. Donc on a un parcours du patient qui est relativement classique, avec un accueil avec des patients qui sont vus en premier par une infirmière pour vérifier que les constantes sont bonnes, la tension artérielle, la température, etc., voir quels sont les médicaments qu'ils prennent. Ensuite, les patients sont vus par une équipe de 4 médecins tous les jours qui sont là, qui vont voir tous les patients, en lien avec les investigateurs et ceux qui ont eu les idées des essais cliniques. Et puis les patients sont ensuite traités, reçoivent leur traitement par nos infirmières, qui sont des infirmières de recherche clinique, qui sont dédiées à la recherche clinique, c'est-à-dire qu'elles ont la connaissance des protocoles de recherche clinique et de tout ce qu'il faut faire à côté dans ces études. Ici, ce n'est pas tant l'organe ou le type de cancer, c'est plutôt vous vous intéressez à la tumeur. Donc ici, on a des patients qui souffrent de différents cancers. Alors ici, il y a des patients qui ont plein de types de cancers différents. On a des essais cliniques qui sont par type de cancer, d'autres qui sont plus large sur la base d'une altération moléculaire et on ignore le type de cancer. Mais si vous voulez, c'est pas un paradigme qui a remplacé l'autre, hein. Le paradigme de l'organe est toujours un paradigme important, comme pour les patients qui vont être opérés, qui vont avoir de la radiothérapie, bien entendu, la localisation est particulièrement importante. Et on peut se passer de l'information de la tumeur primitive et donc ne raisonner que finalement sur la caractéristique moléculaire de l'ADN des cellules tumorales. Et effectivement, on a de plus en plus de traitements qui sont développés, non plus sur la base d'un organe, le cancer du côlon, le cancer du poumon, mais sur la base d'une altération moléculaire qu'on peut retrouver dans plein de cancers très différents. Mais effectivement, c'est un nouveau paradigme, mais ça ne remplace pas l'ancien qui est toujours valide pour un grand nombre de traitements. Voilà, donc nous avons nos infirmières ici qui traitent tous les patients qui sont dans les chambres que vous voyez. Et puis également tous les prélèvements qui sont faits au cours de ces essais qui permettent aussi d'alimenter la recherche translationnelle, la recherche pour comprendre pourquoi un médicament fonctionne ou pourquoi un médicament ne fonctionne pas. Tous ces prélèvements vont au laboratoire de recherche clinique ici et sont envoyés aux différents laboratoires qui font les analyses ensuite. Voilà, donc il y a des centrifugeuses pour centrifuger les prélèvements sanguins, des frigos à moins 20, moins 80. Puis donc, ce sont ces dames qui s'occupent de tous les kits de prélèvement et qui envoient dans les laboratoires qu'il faut, y compris nos laboratoires comme le centre d'immunothérapie qui est de l'autre côté de la porte, par exemple. Pour un patient qui rentre ici, combien de temps environ entre l'analyse de la biopsie et le fléchage vers une thérapie plus ciblée? Alors, on est à moins de 4 semaines. C'est-à-dire que... C'est des délais assez brefs, finalement. Oui, oui, oui. Maintenant, l'analyse, les circuits, maintenant, sont bien mis en place. Ils ont été mis en place grâce à Shiva01. Mais maintenant, nous avons ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire moléculaire où on rassemble tous les acteurs, que ce soit les anatomopathologistes, les bioinformaticiens, les biologistes, les oncologues médicaux, et où on discute les dossiers des patients, on décide de quelles analyses on fait, sur quels prélèvements. Et donc là, on se réunit toutes les semaines pour ça. N'importe quel médecin de l'Institut Curie peut inscrire ses patients pour avoir une caractérisation plus fine. Donc c'est devenu de la routine, si vous voulez. Et maintenant, on intègre ça aussi à un plan plus général, qui est le plan France Médecine Génomique 2025, qui est un plan national, qui permet pour certains patients d'avoir une analyse encore plus approfondie de la tumeur. Est-ce que vous pourriez me décrire le cas d'un patient pour qui on a vraiment trouvé un inhibiteur ou un anticorps monoclonal efficace qui a pu éradiquer ou réduire sa tumeur? Ah ben, des exemples de patients qui répondent très bien au traitement, on en a beaucoup. Alors il y a malheureusement aussi beaucoup de patients chez qui ça ne fonctionne pas. Mais j'ai en tête cette dame qui avait un cancer du sein qui était étiqueté cancer du sein classique. Et puis en faisant une analyse moléculaire plus poussée, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait le diagnostic initial de cancer du sein qu'elle avait, mais un cancer très rare de cancer du sein avec une fusion de deux gènes. Et donc cette patiente, on l'a incluse dans un essai avec un inhibiteur de cette fusion qui est présente de façon générale que dans 0,3% des cancers, donc c'est extrêmement rare. Et ça, c'était il y a 4 ans. Et elle prend ses comprimés tous les jours et elle est en réponse complète. Alors elle vit loin d'ici, à l'île Maurice. Donc pendant le Covid, ça a même été compliqué pour lui faire parvenir les comprimés, etc. Mais cette patiente, elle vit comme vous et moi en prenant ses comprimés et tout a disparu avec ses comprimés. On a d'autres patients qui reçoivent aussi des immunothérapies et qui, sur la base d'altérations bien précises de la tumeur, et qui ont été débarrassés des lésions tumorales et chez qui on a arrêté le traitement et qui sont maintenant chez elles. En fait, pour certains patients qui étaient dans des situations incurables avant, où on disait on n'arrivera pas à les guérir, eh bien aujourd'hui, il y a certains patients qu'on guérit alors qu'ils ont un cancer qui s'est propagé ailleurs dans le corps. C'est pas tout le monde, loin de là. Mais maintenant, c'est des choses qu'on voit et ce qu'on espère, c'est améliorer ça pour qu'il y ait de plus en plus de patients qu'on arrive à guérir finalement de leur cancer qui était qualifié d'incurable avant. C'est l'objectif de la médecine de précision. Voilà, concrètement cet effet, cet essai Shiva 01 à l'Institut Curie et l'application de cette médecine de précision en essai clinique en oncologie, une réaction à ce que vous venez d'entendre, Céline Vallaud, puisque c'est chez vous l'Institut Curie? C'est un commentaire, c'est que c'est grâce à des médecins comme Christophe Letourneau et ce type de service qu'on peut travailler main dans la main, c'est-à-dire avoir des échantillons au bon moment de qualité, encore une fois une notion de temps, une rapidité, et pouvoir mener des analyses de pointe. Quoi. Donc c'est en travaillant ensemble, chercheurs, médecins et physiciens, qu'on va pouvoir avancer comme ça. Et c'est vraiment l'organisation, il y a une notion importante de temps et d'organisation, de logistique qu'il ne faut pas négliger. Votre réaction, Soumaïa Bekri? La multidisciplinarité. Oui, c'est la multidisciplinarité. C'est vraiment ce qui ressort. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ouvrir le champ à différentes compétences et travailler ensemble. Et encore une fois, sans les informaticiens, on ne pourra pas avancer. Donc, il faut un travail dans lequel, ça a été dit dans le reportage, biologiste, informaticien, chirurgien, toute spécialité autour du patient. Eh bien, ça tombe bien, puisque dans quelques instants, nous serons en ligne avec le doctorant de la recherche Montre en Main qui travaille précisément sur l'intelligence artificielle. On va continuer à discuter de cette médecine de précision dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, ce sera juste après ça. Voilà quelques notes de piano de Thelonious Monk, Body and Soul. Nous parlons essentiellement du body puisque nous parlons de la médecine de précision et de ce futur de la médecine qui, comme on l'a entendu, a déjà commencé depuis quelques temps. Nous en parlons avec Céline Vallaud qui est directrice de recherche à l'Institut Curie et Soumaïa Bekri qui est professeure chef de service du laboratoire de biochimie métabolique du CHU de Rouen. Concrètement, Soumaïa Bekri, vous, au CHU de Rouen, à partir de quand est-ce que vous avez vu précisément arriver l'analyse, le big data et des bioinformaticiens pour venir vous accompagner et travailler sur la prise en charge des patients? Alors moi, je dirige un service qui réalise le diagnostic et le suivi des maladies héréditaires du métabolisme. Donc c'est un sous-groupe de maladies rares qui explore tous les métabolismes. Et donc on a vu une explosion, une révolution grâce à ces technologies, de nos connaissances dans ce métabolisme et donc dans la survie cellulaire, dans le fonctionnement cellulaire. Et donc, j'ai très vite compris que cette masse de données qu'on va obtenir, donc moi, dans mon laboratoire, on fait de la métabolomique, de la transcriptomique, de la protéomique, de la génomique, et donc toute cette masse de données associée à toutes les données médicales, quelles qu'elles soient, radiologiques, si on intègre l'ensemble de ces données, on a en fait l'ensemble fait plus que un. Et donc on peut tirer une information très importante. Et ça, je dirais, j'ai commencé à développer cette approche-là à partir de 2011 jusqu'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on avait organisé un premier symposium en 2019 sur la médecine de précision pour en fait je dirais, donner la possibilité aux jeunes générations d'avoir la sémantique. Parce qu'en fait, le vocabulaire même de la médecine de demain va changer. On va utiliser des termes qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent. Comme par exemple ? Ben, par exemple, l'analyse de données. Quand on regarde un article aujourd'hui, on va avoir forcément des analyses de données, des graphes qu'on ne voyait pas avant. Donc certainement pour nos jeunes étudiants, il y a besoin d'une nouvelle information, d'une nouvelle formation. Ne serait-ce que, en fait, je donne toujours l'exemple de Word ou Excel. Tout le monde sait utiliser Word ou Excel. Personne ne sait fabriquer Word ou Excel. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que les acteurs de santé soient des utilisateurs de l'analyse de données. On leur demande pas à tous d'être des codeurs, mais au moins tous de savoir appréhender ces nouveaux outils. C'est une valo, ça fait une charge quand même d'acquisition de connaissances assez qui peut faire un peu peur pour les gens qui travaillent aujourd'hui dans ces domaines de la médecine, en oncologie, qui ont déjà des emplois du temps bien chargés. Non mais je pense que le maître mot, la pluridisciplinarité, c'est au moins comprendre l'autre. C'est-à-dire j'ai ma base, j'ai ma majeure, c'est-à-dire que ma spécialité c'est la médecine, c'est la biologie, mais ma mineure c'est de comprendre l'analyse de données. Et donc ça veut dire que dans les parcours de formation, à l'université, dans les écoles d'ingénieurs, à la fac aussi de médecins, on doit avoir cette mineure qui apparaît. C'est-à-dire sinon on pourra pas se parler, quoi. Donc cette pluridisciplinarité, elle passe par la formation de ces différents nouveaux jeunes générations à se parler. Oui. Pour rebondir, en fait, cette année, on a créé une option disciplinaire en première année d'études médicales qu'on a appelée sciences de données en santé. Pour que dès la première année, nos nouveaux étudiants puissent appréhender un minimum le vocabulaire. Bien, ça tombe bien puisque le futur de la recherche est comme tous les mercredis dans la méthode scientifique. C'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marc Labrif. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes doctorant en troisième année de thèse à l'université de Limoges dans l'unité INSERM Pharmacologie et Transplantation. Votre thèse, vous la faites sur l'intelligence artificielle au service de la médecine de précision en transplantation. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Alors, quand les reins sont plus capables de jouer leur rôle de filtre, on parle d'insuffisance rénale. Et deux traitements possibles sont la dialyse ou la greffe rénale. Lorsque le patient ne présente pas de contre-indication, on peut donc lui greffer le rein d'un donneur. C'est le traitement de choix parce qu'il assure de meilleurs résultats, une meilleure qualité de vie, et en plus, il est moins coûteux que la dialyse. La moitié des greffons fonctionnent pendant plus de 14 ans, avec des extrêmes de quelques jours à plus de 30 ans. De nombreux facteurs vont exercer une influence sur la survie de ce greffon. Il y a les caractéristiques initiales liées au donneur, jeune ou plutôt âgé, aux causes de son décès si c'est un donneur décédé, aux conditions de prélèvement du rein, aux conditions de conservation et de transplantation du greffon, etc. Le système immunitaire du receveur peut également entraîner un dysfonctionnement du greffon par la survenue d'épisodes de rejet aigu, qui ne signifie pas nécessairement une perte de l'organe. Heureusement, il existe plusieurs types de médicaments anti-rejet que l'on appelle immunosuppresseurs, qui peuvent prévenir et traiter ces réactions de rejet. Le travail de ma thèse est de développer des modèles mathématiques pour prendre en compte toutes ces caractéristiques dans le but d'anticiper les épisodes de rejet, de prédire la durée de vie du greffon, de proposer une prise en charge personnalisée à chaque patient transplanté. En plus de cela, à posologie égale, les concentrations sanguines des médicaments peuvent être très différentes d'un individu à un autre. Il convient donc de considérer aussi ces concentrations dans le choix de la posologie pour un patient particulier. Si elle est trop élevée pendant trop longtemps, comme tout médicament, il peut survenir des effets non souhaités, comme le risque d'infection, une toxicité sur le rein greffé, mais aussi sur le cœur et les artères. Comme vous l'avez compris, l'objectif final est d'obtenir le meilleur rapport bénéfice-risque possible pour chaque individu greffé rénal. En pratique, il s'agit d'administrer l'association de médicaments la plus appropriée à la meilleure dose pendant la bonne durée de traitement et avec un maximum d'effets thérapeutiques et pas ou un minimum d'effets indésirables. C'est tout le principe de la pharmacologie médicale qui est une modalité importante de la médecine personnalisée. Pour parvenir à cet objectif, je travaille sur de grandes bases de données provenant de plusieurs milliers et bientôt plusieurs dizaines de milliers de patients dont les données directement identifiantes, nom, prénom, etc., ont été retirées. Et ces données ont évidemment été toutes recueillies avec le consentement des patients. Ces données concernent les caractéristiques des patients, les éventuels événements qui ont pu survenir après la greffe, rejet aigu, effet indésirable, le niveau d'exposition aux médicaments immunosuppresseurs, mais aussi certains biomarqueurs. Un des plus connus est la créatinine, qui, si elle est élevée, peut montrer un dysfonctionnement du greffon. Dans mon travail, j'utilise des algorithmes de machine learning, qui sont des programmes informatiques qui vont apprendre à partir des bases de données qu'on leur fournit. Ceux que j'utilise en particulier construisent un grand nombre d'arbres de décision où les feuilles sont choisies automatiquement pour permettre d'optimiser les prédictions. Les modèles ainsi créés vont permettre, pour un nouveau patient, avec ses propres caractéristiques et les éléments les plus pertinents de son suivi, d'évaluer son risque de rejet, de prédire la durée de fonctionnement de son greffon, et enfin de lui proposer la prise en charge médicamenteuse la plus adaptée à sa situation. Bien sûr, il est essentiel d'y intégrer une explication individuelle du résultat pour éviter l'effet boîte noire qui est généralement reproché à ce type de modèle. En pratique et à plus long terme, les algorithmes de machine learning mis au point pourront prendre la forme d'applications en ligne pour aider les médecins néphrologues dans le suivi de leurs patients. Merci. Merci beaucoup à vous, Marc Labrief. Merci pour cette présentation. On ne peut plus claire et tout à fait passionnante. Une réaction l'une et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Céline Vallot ? Peut-être encore une fois l'exemple qu'il faut à la fois comprendre la biologie, les variables qu'on étudie et les modèles de deep learning. Là, c'est quand même un grand écart entre savoir déployer ces algorithmes et comprendre quelles sont les variables explicatives. Donc, c'est pour moi l'exemple parfait d'un biologiste de demain, quoi. Moi, ma réaction concerne l'éthique. Parce que là, on a un paradoxe à réfléchir entre la confidentialité par rapport à des données individuelles et le fait de devoir verser ces données individuelles dans des bases de données populationnelles pour faire ce genre de travaux qui est absolument indispensable. Ces données, elles ont été anonymisées, nous a bien précisé Marc Labrief. Oui, mais il y a tout un cadre juridique avec ces nouvelles données, cette nouvelle masse de données qu'il faudra réfléchir, anticiper, formaliser peut-être. Il y a vraiment un enjeu sociétal nouveau à réfléchir. Mais quand vous dites, Céline Vallot, c'est le biologiste de demain ou le profil du biologiste de demain, ça veut dire que demain, une fois de plus, les oncologues, les médecins qui président à la transplantation, il va falloir vraiment absolument acquérir, c'est-à-dire dès la formation initiale, une forme de relation, de connaissance, de maîtrise de ces instruments de mégadonnées. Le langage. Je pense que c'est le langage qui compte, en fait. C'est de pouvoir, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir se parler. Donc, ce qu'ils font, c'est d'avoir les éléments de langage. Parce que précédemment, dans les premières, moi, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé ma carrière, les bioinformaticiens, comme on les appelle, les biologistes, arrivaient vraiment difficilement à se parler. Si on parlait de variables, de génomique, d'analyse de tests statistiques, les gens étaient là, mais de quoi, pourquoi tu me parles de ça? Et alors là, aujourd'hui, on sent qu'il y a une évolution vraiment de la culture déjà. Donc c'est aller encore plus loin dans ce langage commun, partagé par tous, où on peut échanger et comprendre un petit peu le monde de l'autre et quels sont ses enjeux, quoi. Alors, on entend les travaux de Marc Labrief qui travaille sur... On a parlé beaucoup, évidemment, d'oncologie. On entend les travaux de Marc Labrief qui travaille sur la transplantation. Soumeya Bekri, à quels autres types de pathologies peut s'appliquer aujourd'hui ou s'appliquent aujourd'hui les différents essais cliniques qui permettent d'avancer en médecine de précision ? Encore une fois, moi, je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est une médecine qui peut être démocratisée dès maintenant à l'ensemble des spécialités. Actuellement, dans tous nos dossiers patients, nous avons des données qui ne sont pas suffisamment exploitées parce qu'on ne peut pas les exploiter avec notre esprit humain. Il ne peut pas appréhender un certain nombre de variables. Parce qu'il vous manque les logiciels, il vous manque le personnel pour traiter ces informations. Il manque justement ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a trois composantes. Il y a le spécialiste médical, qu'il soit biologiste, médecin ou autre. Il y a celui qui a une compétence hybride qui permet de faire le pont. Et il y a l'informaticien. Et donc, tant qu'on n'a pas recréé, repenser l'écosystème. On a actuellement des données dormantes qui ne sont pas utilisées. Et tous les services peuvent en bénéficier. Dans toutes les unités de soins, dans tous les hôpitaux de France et de Navarre. Exactement. C'est une valo. Je pense que pour rajouter ça, c'est qu'un des clés de ce langage commun et de cette participation, c'est presque un effort participatif de tous ces acteurs, c'est la visualisation. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, et on sait déjà le cas dans les années à venir, c'est comment on visualise simplement ces données sur une interface, quelque chose qui pourrait permettre à tous de fouiller dedans avec son niveau de compréhension, sans avoir forcément la nécessité de coder ou d'être face à une interface compliquée, quoi. Donc il y a vraiment un enjeu de visualisation pour la compréhension par tous, avec ces outils personnels, quoi. Autre question tout de même puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, je vois qu'aujourd'hui cette médecine de précision a amené tout de même une une cinquantaine de médicaments disponibles très précis pour intervenir dans différents types de pathologies et notamment en oncologie pour traiter une vingtaine de types de cancers. Ça veut dire qu'une cinquantaine, c'est évidemment pas autant de médicaments que de patients. Donc ça veut dire quels sont ces médicaments et comment la médecine de précision a pu faire émerger une certaine classe de médicaments qui répond mieux ou qui permet justement de s'adapter plus finement à des pathologies résistantes. Là par exemple, prends le domaine que je connais bien, qui sont les maladies héritaires du métabolisme, on a dans certaines pathologies. C'est quel type de maladie, pardon? Alors, les maladies métaboliques, ce sont des arrêts. Vous savez que nous avons trois grands métabolismes, les lipides, les glucides et les protéines. Et c'est ça qui fait notre survie. La cellule, elle vit parce qu'elle va produire de l'énergie et qui va être utilisée pour sa survie. Donc, si on a un bloc à un endroit donné, on a une enzyme, donc une protéine qui ne fonctionne pas, donc dans une chaîne métabolique, on va avoir une accumulation d'une molécule en amont et une diminution de la molécule en aval. Si cette molécule en amont est toxique, ça va donner une pathologie. Si la molécule en aval est déficitaire et qu'elle est indispensable, ça va donner une pathologie. Donc, on va avoir ce qu'on appelle les maladies héréditaires du métabolisme, un sous-groupe de maladies et génétiques. Donc, il y a actuellement énormément de travaux dans le domaine. Je donne un exemple précis dans une maladie précise qui est la maladie de Fabry. Cette pathologie, on sait maintenant qu'il y a certains patients qui ont des variants génétiques qui vont être sensibles à un traitement qui est actuellement commercialisé et d'autres non. Donc avant de donner ce traitement, on va faire l'analyse génétique de ces patients-là et on va donner ou pas le traitement parce qu'il a l'avantage d'être oral alors que les autres traitements c'est des perfusions donc régulières. Donc voilà, un des exemples qui permet des avancées de façon spécifique. C'est une valo sur ces différents. C'est la médecine de précision, c'est aussi ce qui a pu accompagner, faire émerger. On pense notamment aux anticorps monoclonaux, à certaines formes d'immunothérapie, à certains médicaments inhibiteurs qui permettent justement d'arriver beaucoup plus précisément. Et notamment, on revient, je suis désolé, en oncologie, mais sur un certain nombre de cancers résistants. Je pense notamment au cancer du sein. Ouais, cancer du sein, je pense qu'il y a un exemple qui est assez pertinent ces dernières années. Il y a une sous-partie des cancers du sein triple négatif, qui sont les cancers du sein les plus agressifs, qui ont un talon d'Achille. On l'a découvert grâce à la médecine de précision, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à réparer leur ADN. Et c'est presque jusqu'à 50% d'entre eux. Et ben, ces cancers, ils ont un talon d'Achille. Si on les attaque encore plus sur cette faiblesse, ça va être un traitement très efficace qui sont les inhibiteurs, ce qu'on appelle les inhibiteurs de PARP. Et c'est grâce à la médecine de précision qu'on a mis en avant cette fragilité et cette létalité possible de les attaquer là-dessus, alors que les cellules normales réparent normalement. Donc c'est vraiment ce différentiel qui a pu être repéré et qui est très intéressant dans ce cas présent. Oui, en fait, quand on fait de la médecine de précision, quand on fait de la science omique, le but, c'est de comparer une pathologie à un système, un groupe contrôle. Et si on voit que cette voie-là est altérée, ça va devenir une cible thérapeutique. Donc, on a tout un champ aussi qui va s'ouvrir sur comment traiter. Là, on parle de cancer, mais toutes les pathologies. On va pouvoir, parce qu'on a mis en évidence une expression différente dans ce cas pathologique par rapport à... Sur un gène, sur une protéïne, sur une voie métabolique, par exemple. Si je vois que cette voie-là, elle est altérée, je peux la contourner parce qu'il y a des voies alternes. Donc, en connaissant bien, et maintenant, le métabolisme aussi, la conception du métabolisme, avant, on avait en tête quelque chose de très plan, en 2D. Donc, A, B, C, D. Maintenant, on sait que le métabolisme, c'est un peu comme les galaxies. C'est au moins tridimensionnel et c'est plusieurs réseaux. Et donc, on sait maintenant les faire jouer. Que ce soit dans le cancer ou ailleurs. C'est-à-dire que si je caricature un peu, si je résume un peu vite, par exemple, pour rester sur le cancer du sein, avant, bon voilà, j'ai une petite boule à la mammographie, je vais voir mon médecin, on me dit, bah allez, hop, on va l'enlever, et boum, on va donner de la chimiothérapie quasiment sans... J'exagère, mais je caricature volontairement. Aujourd'hui, ça veut dire qu'en faisant justement de la génomique, de la protéomique, c'est-à-dire en faisant non plus seulement une biopsie, mais en cherchant exactement ce qu'il y a dans l'ADN de ces tumeurs, qui va être un petit peu différent de l'ADN du reste du corps humain, on va être sûr de viser immédiatement la bonne thérapie. Exactement. Donc c'est vraiment l'exemple des cancers du sein triple négatif. Par défaut, c'est de la chimiothérapie qui est donnée avant la chirurgie. Et donc vraiment, là, cette existence de nouvelles classes de médicaments permet de répondre à des besoins différents. Je pense qu'un point qui est intéressant, c'est que cette première génération, comme on peut l'appeler, c'était de cibler des talons d'Achille d'une cellule tumorale, par exemple. Aujourd'hui, on passe à un niveau vraiment qui est l'intégration. C'est qu'il va falloir comprendre comment ces cellules tumorales correspondent avec les cellules de leur environnement, les cellules immunitaires, les cellules de la glande normale, par exemple, et cibler leur dépendance, vraiment de cibler quelles peuvent être leurs dépendances aux autres, et donc d'aller plus finement dans cette intégration vraiment de tous tout l'écosystème tumoral et même d'un système biologique complet qui peut être autre que tumoral. Mais ça va être le niveau 2, c'est d'empêcher les cellules de s'alimenter en leur empêchant leur communication avec les autres, par exemple. De se vasculariser. Voilà, d'autres talons d'Achille qui vont être un tout petit peu différents que le niveau 1. On s'est dit, bon, on va aller regarder dans l'ADN, on va trouver quelque chose et ça sera déjà très bien. Ben maintenant, on est à un niveau 2 qui est quel est l'écosystème et comment je l'empêche de fonctionner correctement. Soumis à écrire. Oui, justement, ça reprend l'histoire des réseaux. C'est-à-dire que maintenant, comme on a une vision plus globale et holistique du métabolisme humain, on peut jouer sur des points du réseau et avoir une propagation de l'effet parce que ben, on sait que dans cette cellule tumorale, c'est sur ce nœud métabolique qu'il va falloir jouer. Et alors, à quand la médecine de précision pour toutes et pour tous? À quel moment, au lieu justement bien d'avoir les traitements de première ligne classiques en disant ben, ça soigne quand même, j'exagère, un cancer sur deux, et puis boum, quand est-ce qu'on va pouvoir, tout le monde, ça a un coût tout ça, quand est-ce qu'on peut généraliser Soumaya Bekri? Et moi je pense qu'il faudrait déjà se dire on commence maintenant. Parce que si on se dit c'est une échéance dans 15 ans ou dans 20 ans, on va jamais commencer. Avec les éléments qu'on a maintenant, on peut débuter. Et c'est comme ça qu'après, on pourra monter en charge. On peut, mais comment? C'est-à-dire, déjà d'une, avec quels moyens? On sait bien que l'hôpital public n'est pas forcément dans une forme financière extraordinaire. Et que tout ça, ça a un coût. Évidemment, ça a un coût humain, ça a un coût en technologie, ça a un coût d'analyse. Prendre conscience, déjà, de l'importance de ces avancées et les intégrer, ne serait-ce qu'intellectuellement, parce qu'on a une résistance au changement. Donc déjà, il faut qu'on puisse se dire, c'est des éléments qui sont importants et qui vont nous aider à mieux prendre en charge nos patients. Et puis, ce qui est très important, c'est peut-être que ça coûte, mais ça va rapporter gros. Bien sûr, mais c'est, en France, il y a un plan France Génomique 2025, par exemple. Non, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas assez. C'est bien, mais je pense qu'il est important, c'est d'intégrer ça dans notre réflexion. Exactement comme ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire, par exemple, quand on dessine des nouveaux essais cliniques, par exemple, il est nécessaire d'avoir les échantillons et la compréhension qui va avec. C'est-à-dire, le jour où on distribuera peut-être cette future thérapie, on devra dire ça sera telle personne, pour telle caractérité, mesurée comme ça. C'est-à-dire que ça doit faire partie dès le départ du design pour obliger le parcours de soins à contenir ces mesures. Mais ça ne répond pas, c'est une valeur, à comment on fait pour que ça intègre dès le départ? Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut aller voir les partenaires, c'est-à-dire les industries pharmaceutiques, notamment les médecins qui mettent en place ces techniques, pour leur dire, écoutez, travaillez ensemble pour que ça fasse partie du design de la molécule et de son intégration dans le soin. Donc c'est aux acteurs majoritaires de cet écosystème vraiment de médical à prendre en charge cette intégration. Je vais reformuler ma question différemment. Est-ce qu'il faut plus d'impulsion des pouvoirs publics pour faire en sorte que cette médecine de précision soit intégrée plus en amont des parcours de soins? Oui, de pouvoirs publics, des lobbies, on l'appelle comme on veut, mais je pense que c'est important d'aller persuader les industries pharmaceutiques que sans cette compréhension fine, sans un investissement de leur part massif sur la biologie computationnelle, ils auront du mal à bien distribuer leurs molécules aux bonnes personnes au bon moment. Donc c'est tout en leur intérêt d'avoir cette compréhension fine, à mon sens. Il y a un changement de paradigme, mais on est vraiment dans un virage. Je pense que nos institutionnels sont impliqués, l'industrie pharmaceutique. Pour certains, commencent à le comprendre. On voit fleurir maintenant des départements de médecine de précision dans des industries pharmaceutiques. Mais il y a surtout une éducation des acteurs de santé et de la population générale. Et on doit sortir de ce dogme de la médecine de précision. C'est élitiste, c'est futuriste. Il faut une démocratisation sanitaire. Vous avez le sentiment que la France est au rendez-vous de ce changement de paradigme par rapport à d'autres pays? Oui, tout à fait. C'est important de le dire. Non, mais bien sûr, pour la simple et bonne raison que déjà, d'un point de vue formation et les métiers qu'on a en France, on a tout ce qu'il faut pour répondre à ce défi de la data et de la génomique de demain. Donc pour moi, on est prêt. C'est à nous de le faire. Eh bien, faisons-le. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Un mot, Soumaya Bekri, pour dire que vous organisez justement les 24 et 25 mars prochains un symposium international Pathway to Precision Medicine, le P2M Symposium. Ça se passera à Rouen, au Campus Santé. Vous êtes tous les bienvenus. Eh bien, on vous met toutes les informations sur notre fil Twitter. Merci également à Céline Vallot d'être venue nous parler de cette médecine de précision. Comme vous êtes dans la méthode scientifique, et pour une fois, on a du breaking news. Alors, c'est la reconduction d'Antoine Petit pour un deuxième mandat à la tête du CNRS. On vous en reparlera certainement dans ces prochains jours dans le Journal des Sciences. La méthode scientifique, aujourd'hui, c'était Grégory Wallon à la technique. Et comme toujours, c'est en podcast sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à preuve du contraire.